téléphone sonne, j'ai les mêmes plâtrés. Je découpe la scie, je t'en rappelle après. J'arrive dans le game mais ils sont pas prêts. Je rentre de force comme un sans-papier. Sans taper et sans respect. Je kiffe la guerre, ils veulent la paix. J'arrive seul, ils veulent la paix. Devant l'arme, on va pas trembler. Ils veulent la place que j'ai pas, que j'essaye de me faire, que j'aurai. Mon Dieu, je les vois, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour un disque doré. Ils ont pris la forme, j'aurais donné ma vie, mais ils m'ont égueré. Mais quand je suis seul, ils me cherchent la merde comme le boss de la Corée. Mon démon fait des verres, wesh mon frère, on t'enterre, t'es même pas trentenaire. Troué par terre, je connais par cœur, j'ai la gamberge, quand je connais ton père. J'ai évité les balles, évité le drame, maman désolé, j'ai pas évité les pleurs. Pourquoi tu parles, on sait que t'as peur, t'assumes pas ton petit jeu d'acteur. Quand à qui profite le crime, gros, dis-moi d'où vient le matos. Beaucoup de sous, beaucoup de soucis, tu vas prendre une bastos. T'es mort, tu cours encore, gros, c'est l'effet de la série. On te voit plus traîner, tu comptes à menacer. On voit les choses en grand, je veux tout niquer comme dans Narcos. On a bourré la nuit pourvu qu'elle passe pas l'overdose. Je ne suis pas avec eux, mais gros, je les vois de près. Ils pensaient que j'étais fait, ma gueule, je me suis refait. Y'a de la blanche, oui, y'a de la bœuf. On est nerveux quand y'en a plus. C'est pas des hommes, ils viennent à deux. Ils viennent nombreux, mais font les putes. Je me souviens, gros, ils étaient peu quand j'avais pas. Ils font le pire et ils font les pieux. Ils veulent une part qui n'existe pas. T'as sorti le monstre, ils ont prié le dieu pour que tu fasses des tonneaux. Quand t'es à la poste, t'as des amis qui veulent pas te voir décoller. Elle t'a dit je t'aime juste avec une photo, tu lui as passé l'anneau. Et elle t'a trahi, trop des meufs, y'en a d'autres, ne faut pas s'affoler. Nah, j'fais des sous, j'fais des jaloux, gros, j'fais des sommes, j'suis sorti sain, j'vais rentrer sous, j'rentabilise, j'fais pas que tu sens, j'veux pas que tu meurs, j'veux que tu souffres, j'veux que tu pèches jusqu'au dernier souffle. Moi j'récupère, toi tu t'essouffles, toi rien que tu suces, toi rien que tu louves, putain. À qui profite le crime, gros, dis-moi d'où vient le matos. Beaucoup de sous, beaucoup de soucis, tu vas prendre une bastos. T'es mort, tu cours encore, gros, c'est l'effet de la série. On te voit plus traîner, tu comptes à menacer. On voit les choses en grand, je veux tout niquer comme dans Narcos. On a bourré la nuit pourvu qu'elle passe pas l'overdose. Je ne suis pas avec eux, mais gros, je les vois de près. Ils pensaient que j'étais fait, ma gueule.